les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture, la nuit, une mémoire radiophonique. Les Speakerines, une chanteuse de la rive gauche, le carré blanc, êtes-vous pour ou contre? Minuine et les atomistes, entre la grâce et l'enfer, le public, bien sûr, les matchs de rugby, le savoir de Max-Paul Fouchet, bref, la télévision. La télévision, on la regarda, on la commenta, on la critiqua, on la chroniqua, on la croqua. Mauriac, François, Bazin, André, Clavel, Maurice, Danet, Serge, et également Berle, Emmanuel Berle. Voici la semaine que Meryl Moneghetti avait consacrée à Emmanuel Berle et la télévision dans une série de l'été 2010. Berle croque la télé, série d'été de Meryl Moneghetti en partenariat avec l'INA. Jacques Chancel prête sa voix à Emmanuel Berle. Aujourd'hui, l'étrange intimité avec les Speakerines. Au cours de cette émission, nous avons eu deux interruptions de l'image dont nous vous demandons de vouloir bien nous excuser. La Nouvelle Revue Française, juin 1954. Comme beaucoup, je me suis mis, l'automne dernier, à suivre la télévision. Elle s'adresse à des individus isolés. Je vais au cinéma, la télévision, elle, vient chez moi. Elle s'insère dans le réseau de mes habitudes. Elle ne peut échapper à la familiarité qu'elle m'impose. Elle établit entre moi et ses Speakerines, par exemple, une étrange intimité. Bonjour, n'aimeriez-vous pas qu'une adorable Speakerine ou un sosie savoureux de Georges Clooney apparaisse pour vous soulager du stress procuré par le plantage intégral de votre ordinateur? Eh oui, les débuts de la télévision sont marqués par les dysfonctionnements divers et les Speakerines font le lien avec les téléspectateurs. Catherine Langer, à partir de 1950, voix suave que vous avez peut-être reconnue à l'instant, et Jacqueline Joubert, recrutée un an plus tôt sur concours quand la fonction de Speakerine a été officiellement créée pour annoncer le déroulement des programmes. Ces nouvelles vedettes fascinent nos télécritiques qui s'interrogent sur leur télégénie particulière. Ainsi Bazin, en 1954, note qu'il faut que la Speakerine puisse inspirer la sympathie du mari sans l'antipathie de la femme. Elle doit être jolie et gracieuse, mais en aucune façon entraîner le téléspectateur à l'adultère imaginaire. Emmanuel Berle, écrivain journaliste, s'est vu offrir une télévision par son épouse, la chanteuse Mireille, pour le pousser à se détendre, à moins lire et à moins écrire. Elle ne se doutait pas que tout nouveau téléspectateur, étonné par le petit écran et par son enthousiasme quasi délirant pour Catherine Langer, il proposerait des téléchroniques à la NRF entre juin et décembre 1954. Mais avant de l'entendre, revenons à Catherine Langer au micro de Pierre Tchernia le 12 décembre 1957. Bonjour Catherine Langer. Bonjour Pierre. La porte vient de grincer comme dans les films policiers. Catherine, nous avons beaucoup de correspondances qui nous demandent de parler de ce métier de speakerine. Qu'est-ce que c'est que cette profession de speakerine? Alors là, je vous arrête tout de suite parce que je trouve que le mot profession est parfaitement impropre en ce qui concerne les speakerines. En effet, je crois plutôt qu'il s'agit d'un rôle que nous jouons dans un grand ensemble, un grand spectacle en quelque sorte, qui est la télévision. De même que le président de la République joue un rôle et qu'il n'y a pas d'école pour être président de la République. Et non, vous avez toujours des comparaisons, Pierre, qui sont très flatteuses en l'occurrence, mais un président de la République, effectivement, il y a une seule place. On est peut-être candidat à la présidence de la République tous les 7 ans, ça peut arriver, mais enfin, d'une façon générale, on n'a pas à élire de président de la République comme ça. Et puis là, d'ailleurs, c'est une profession qui ne dure que 7 ans. Que 7 ans, oui. Oui, alors, à cette occasion-là, je veux dire, il va falloir que je me fasse réélire, parce que ça fait 7 ans que je suis speakerine. Oh, mais Catherine, on va vous réélire à l'unanimité, vous savez, on avait l'impression que vous n'étiez là que depuis 8 jours. Beaucoup de téléspectateurs furent consternés, m'a-t-on dit, lorsque Jacqueline Joubert dut les quitter quelques semaines pour accoucher. Je préfère Mademoiselle Catherine Langer, et non à cause de son nom balzacien, mais parce que je la trouve plus sincère, plus vraie. Quand elle me dit bonsoir, j'ai l'impression qu'elle désire vraiment que je dorme bien. Et toutes les fois qu'elle m'annonce que, malheureusement, l'émission promise n'aura pas lieu, elle paraît en ressentir un tel chagrin que je la plains, oubliant de me plaindre. J'aime son sourire, sa façon de me parler, tout comme j'aimais ou détestais d'instinct telle gouvernante quand j'étais enfant. Et bien sûr, ceci ouvre sur la société sur la politique de demain, des perspectives assez troubles. C'est que l'écran est petit, mais que l'objectif est puissant. D'où ce paradoxe, la télévision s'avère à la fois insensible et impitoyable. Gestes faux, intonation fausse, qui à la scène, à la tribune, serait seulement regrettable et peut-être m'échapperait. À l'écran, leur fausseté devient évidente et dégoûtante. Nulle part, la sincérité n'est plus nécessaire, la conviction plus contagieuse. Serait-ce que la télévision est trop jeune pour bien mentir? Je ne le crois pas. Sans doute, elle fera des progrès, mais l'objectif gardera sa puissance et le spectateur sa lucidité, pourvu qu'il garde son attention. Emmanuel Berg. C'était Berl croque la télé, série de Meryl Moneghetti réalisée par Christine Robert, à la technique Bruno Gagnère et Pascal Baranzelli. Berl croque la télé, série d'été de Meryl Moneghetti en partenariat avec Lina. Jacques Chancel prête sa voix à Emmanuel Berl. Aujourd'hui, Gréco évoluait sans changer. Juliette Gréco, je voudrais bien que nous ayons plus de temps parce que je voudrais bien savoir un tas de choses de vous que vous n'avez jamais dites. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens comme moi. Je suis comme les huîtres, moi il faut m'ouvrir. Bonjour, vous souvenez-vous des beaux interviews portraits de Denise Glaser dans Discorama? Ici, Juliette Gréco se livre sans se livrer le 20 septembre 1964. En matière d'émissions musicales, en France, les années 60, malgré les ratages et les niaiseries, représentent un âge d'or. Ce sont les débuts des Carpentiers avec Sacha Chaud et la complicité d'un Distel très crooner et les créations d'un Jean-Christophe Averty avec les Raisins Verts, entre autres. Citons aussi les numéros musicaux de Dim Dam Dom et de Tous en scène. Interprètes et musiciens sont mis en valeur par des producteurs et réalisateurs inventifs et passionnés. Quel bonheur d'archives! Heureuse époque où un prince aurait déroulé sa musique jusqu'au bout sans être coupé en plein élan par le lancement d'un spot télévisé, comme on a pu le voir cette année au Grand Journal. Horreur ! Berl, grand amateur de chansons dans ses téléchroniques publiées au Nouveau Candide entre 1964 et 67, traque impitoyable les défauts de mise en scène et livre aussi de beaux portraits des indémodables. En octobre 1966, c'est Françoise Hardy, photogénique à vous couper le souffle, écrit-il, et dont aucune chanteuse de son âge n'a autant de présence à l'écran. Et en juillet, c'est l'intemporelle Juliette Gréco qui est croquée. Le Nouveau Candide, 4, 10 juillet 1966. Sacha Chaud, bon musical, télévision médiocre. Francis Blanche, toujours drôle, les branquignoles ne sont pas bords. Pierre Dac, drôle lui aussi. Sacha, aimable et frais. Plusieurs chansons de Pétula, de Sheila. Mais le réalisateur, gêné dans ses ballets, n'a certes pas flatté Dalida, ni Pétula, ni Rachel, le bel oiseau d'Italie devenant un Francis Blanche en pyjama. Seule Sheila a pu se défendre avec son revolver contre les caméras agressives et abusives. La télévision s'embrouille dès qu'elle se prend aux chansons. Ni le dernier palmarès, ni le dernier la la la la n'ébranle en moi cette triste certitude. Il n'en est d'ailleurs pas moins vrai que j'ai pris plaisir à passer inopinément une heure avec Gréco. Voici de Raymond Queneau et Joseph Cosma. Si tu t'imagines. Cette même année, elle dialogue avec le compositeur Joseph Cosma le 26 février 1966 dans l'émission La La La, c'est notre deuxième archive. Si tu t'imagines. Vous vous rappelez notre première rencontre? Je me rappelle très bien. C'était l'été. C'était l'été, il faisait très beau. Oui, et puis il y avait les textes des chansons que vous m'avez apportés. Oui. Les poèmes bien jolis. De Queneau, si tu t'imagines, vous m'avez tellement inspiré. Qu'est-ce qu'on a fait d'ailleurs, après ça? Je trouve que vous avez changé le visage de la chanson. Parce que votre choix est toujours la poésie. J'aime la poésie. Oui, mais la chanson n'est pas toujours poétique. Et puis, vous avez vraiment fait quelque chose de très important. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait ce que j'aimais. Simplement que et je n'ai pas fait vous ce que existez, je n'aimais pas. Ça suffit. Je vous remercie. La muse de l'existentialisme est devenue l'héroïne de Belphégor. Elle devient une chanteuse populaire, alors que l'existentialisme recule dans le passé à une vitesse de missile propulsé par rétroréacteur. Gréco se démode d'autant moins qu'elle se refuse à se transformer. Elle ne mobilise pas les cœurs, garde sa même robe noire, ne porte aucun bijou et fait bien. L'éclat de ses yeux suffit. Son intelligence est assez aiguë pour porter sans effort ses dons qui ne sont pas trop lourds. On aurait tort de ne pas comprendre que c'est là, à mon estime, un éloge. Il ne suffit pas que la nature vous prodigue le talent. Il faut être assez résistant pour qu'il ne vous écrase pas. Gréco conserve toute son aisance parce qu'elle ne cède jamais à la tentation de faire ce qui ne lui conviendrait pas. Picasso a dit « Je n'évolue pas, je change ». J'aime beaucoup cette phrase pour beaucoup de raisons, mais je dois reconnaître que Gréco, elle, évolue sans changer. Emmanuel Bell. C'était Belle croque la télé, série de Meryl Moneghetti réalisée par Christine Robert, à la technique Bruno Gagnère et Pascal Baranzelli. Belle croque la télé, série d'été de Meryl Moneghetti en partenariat avec Lina, Jacques Chancel prête sa voix à Emmanuel Belle. Aujourd'hui, pour ou contre le carré blanc. Vous regardez la télévision ? Oui. Oui. Vous la regardez tous les jours ? Oui. Vous regardez quelquefois des émissions avec carré blanc ? Non, jamais. Et vous, regardez vos émissions de carré blanc ? Oui, quelquefois. Ça vous a pas choqué ? Bonjour ! Non. C'était un extrait de Micros et caméras le 2 octobre 1965. Dans cette série, Jacques Lequin consacre des reportages aux coulisses et aux hommes du petit écran tout en donnant la parole aux téléspectateurs. Alors, carré ou rectangle blanc ? C'est l'éternelle polémique sur la façon de gérer la présence du sexe et de la violence à la télévision et de l'accès du jeune public à des programmes qu'il ne serait pas en mesure de recevoir. La question a déchaîné les passions dans les années 60 en particulier. Ce sont les télémagazines qui ont ouvert les débats, les premiers, en interpellant l'institution et en publiant l'avis de l'Office catholique. Mauriac, jugé télécritique trop moralisant, subira les foudres des collègues qui s'opposent à toute forme de censure. Or, pour certains producteurs, comme le rappelle l'historienne Hélène Luchini, l'œuvre étant diffusée avec une signalétique particulière, il y a prévention et non interdit. Pour Patrick Brion, responsable du cinéma de minuit sur la 3, le carré blanc est une extraordinaire liberté, je le cite. La troisième chaîne lui sera fidèle quand les autres l'auront supprimée en 1979. Emmanuel Berne, ancien directeur de l'hebdomadaire de gauche Marianne avant la guerre, pacifiste à l'esprit universel, laisse éclater son ironie contre Philippe Raguenau, sous-directeur des programmes de télévision, venu défendre, lui, le carré blanc dans Micros et caméras en 65. Le carré blanc a été institué le 26 mars 1961 par Albert Olivier. Il est nécessaire, ce carré blanc, car la télévision pénètre dans les familles sans frapper à la porte. Elle s'impose. On peut interdire l'entrée d'une salle de cinéma aux enfants. On ne peut pas interdire chez soi l'entrée des ondes hertziennes. Il faut donc un signe permanent qui, quel que soit le moment où un groupe de téléspectateurs tourne le bouton, les informe et s'impose comme un véritable avertissement. Les émissions qui se voient appliquer le carré blanc sont d'abord celles qui relatent une histoire susceptible de troubler profondément l'idée que se font les jeunes du monde du bien et du mal. Sur le plan de la morale, d'abord, il faut, je pense, attacher plus d'importance à l'immoralité fondamentale d'une situation qu'à un déshabillé excessif. Ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, qu'il ne faille se garder de l'un comme de l'autre. Dans le domaine de la violence, tout n'est pas non plus également traumatisant. Certaines scènes de guerre extrêmement pénibles, dont le journal télévisé doit rendre témoignage, gênent souvent, je l'ai remarqué, plus souvent les adultes que les enfants. Pour ceci, c'est de l'histoire. Leurs manuels sont pleins de carnages, de batailles, de récits d'images tragiques. C'est de l'histoire, il faut le savoir, on le leur montre, ils le comprennent. Le nouveau Candide, 7-13 mars 1966. Je m'en réjouissais de voir Brigitte Bardot. Partie remise. Le RTF a eu peur que, un dimanche soir, elle ne donne des idées aux jeunes. À la place de bébé, elle a donc passé un film, Les Chevaliers Teutoniques. Que le film soit ennuyeux, je le lui accorde. Il n'en regorge pas moins de violence, et je te tue, et je te massacre, et je te brûle à épée, couteau, et torche que veux-tu. Je sais bien que je ne suis pas un technicien de la psychologie infantile, ni lauréat de l'école des parents. Toutefois, je me demande si les idées suggérées par les chevaliers teutoniques ne sont pas pires que celles qu'eût éventuellement suggéré bébé. On cache les seins, soit, Tartuffe le demande, mais c'est pour montrer le sang. Avant d'interdire l'adultère, le décalogue interdit l'homicide. Souvent, la peur d'un mal conduit la télé dans le pire, et la crainte de l'érotisme conduit à la complaisance envers le sadisme. Elle rira un jour, je l'espère, de ces risibles carrés blancs. Elle en affuble Bourdet. Osera-t-elle en affubler Racine ? Bajazet n'est pas plus pur que les temps difficiles. Molière aussi fait venir de coupables pensées, mais le plaisir de voir tuer est-il un plaisir innocent ? Emmanuel Berre. C'était Berle croque la télé, série de Meryl Moneghetti réalisée par Christine Robert, à la technique Bruno Gagnère et Pascal Baranzelli. Lala. Berle croque la télé, série d'été de Meryl Moneghetti en partenariat avec l'INA. Jacques Chancel prête sa voix à Emmanuel Berle. Aujourd'hui, Ménuhine et les atomistes entre la grâce et l'enfer. Bonjour! Que diriez-vous d'interroger ce matin le regard moral sur la télévision et ses reflets? Nos chroniqueurs font de la téléchronique une méditation sur le temps présent. Mauriac et Clavel signent visionnaires de belles pages sur la nature abîmée par l'homme et livrent leurs réflexions sur les formes modernes du mal. Emmanuel Berle les rejoint lorsque la télévision le met à la fois face à la grâce de Yehudi Menuhin et aux ambivalences des chercheurs atomistes. Vous allez entendre l'interview de Boris Pregel, président du Conseil de l'Académie des sciences de New York, physicien atomiste, le 2 novembre 1961. Le monde qu'il imagine, on est bien avant la catastrophe de Tchernobyl, m'a curieusement fait penser aux apprentis sorciers de la finance pour lesquels l'économiste Jacques Mistral réclame une saine autorité extérieure de régulation qu'il justifie ainsi dans un article récent et je le cite. Il est clair pour tous que l'innovation est la matière première de la croissance. C'est de son usage dévoyé, de son mauvais contrôle qu'est venu le danger, non de l'innovation elle-même. Mais prenons le cas de l'industrie nucléaire. Imaginez ce qui se passerait si les ingénieurs de l'industrie nucléaire avaient rejeté l'idée de superviseurs extérieurs et affirmé que l'autorégulation de l'industrie nucléaire était la meilleure façon d'assurer à la fois la sécurité de la fourniture d'électricité et la sécurité des populations de l'autre. J'espère ne pas vous donner de cauchemar ce matin. Heureusement, il y a Ménuhin et Mozart. Monsieur Pregel, pensez-vous que l'industrie atomique appliquée interviendra bientôt d'une manière constante dans notre vie quotidienne? Oui, je le crois et je suis sûr même. Nous aurons l'âge de l'urbanisme nucléaire. Nos villes deviennent des monstres. Maintenant, il n'y a plus besoin, avec l'avènement de l'âge atomique, de ces centres parce que ces centres ont été créés autour des embouchures de rivières ou à l'intersection de routes terrestres, autour des ports ou autour des mines. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça puisque une ville qui serait construite autour d'un réacteur atomique n'a pas besoin de tout cela. Et vous pouvez le mettre n'importe où. Vous pouvez le mettre en Arizona, vous pouvez le mettre en Auvergne, vous pouvez le mettre n'importe où, ça n'a aucune espèce d'importance. Et alors, autour de ce réacteur, on peut mettre des ouvriers qui seront techniquement développés, qui pourront travailler, vivre là-bas avec leur famille, et la vie deviendra possible dans ces agglomérations parce qu'on pourra les faire vastes et possibles à vivre. Le nouveau Candide, 26 novembre 1967. En nous faisant passer une heure avec Ménuhin, la télévision, s'élevant au plus haut degré d'elle-même, nous a rappelé son pouvoir miraculeux. Nous finissions par l'oublier. Elle a introduit ses spectateurs, avec une aisance dont elle seule était capable, dans l'intimité d'un grand artiste, d'un grand homme. Grâce à Ménuhin, les musiciens qu'il dirigeait s'échauffaient devant nous, de minute en minute, se dépassaient eux-mêmes, et d'autant plus qu'il leur rappelait sans cesse que jouer doit rester un jeu, une joie qu'on ne peut communiquer aux autres si d'abord on ne la ressent. Je songeais au « surtout pas de pinsum » de Manet. Le concerto de Mozart ressuscitait devant nous. L'admirable statue recouvrait la vie, son mouvement, ses couleurs. Ménuhin ne l'exécutait pas, il le récupérait. Un grand interprète insuffle une nouvelle existence à l'œuvre dont il se saisit. La personne de Menuhin révélait sa densité, à la fois douloureuse et heureuse, en même temps qu'elle manifestait son extraordinaire puissance de rayonnement. On n'oubliera pas l'expression de ce visage, fait pour Philippe de Champagne, quand, évoquant les horreurs nazies, il dit « Et de telles choses ont été faites par des hommes qui aimaient Schubert. » L'homme est vraiment bien complexe et incompréhensible. Il rejoignait alors, par une rencontre très inattendue, les savants atomistes de Göttingen et de Copenhague, que la télévision nous avait montré il y a quelques jours. Eux aussi, d'ailleurs, jouaient de la musique, alors qu'ils faisaient le travail du diable. Les équations d'où devait sortir la bombe sont nées entre un piano et un violon. Emmanuel Berle. C'était Berle croque la télé, série de Meryl Moneghetti réalisée par Christine Robert, à la technique Bruno Gagnère et Pascal Baranzelli. Berle croque la télé, série d'été de Meryl Moneghetti en partenariat avec l'INA. Jacques Chancel prête sa voix à Emmanuel Berle. Aujourd'hui, qu'est-ce que le public ? Allez, Pinguero ! Allez, petit ! Bonjour, faut-il vous dire que vous venez d'entendre la voix de Roger Couder dont le célèbre « Allez les petits » demeure en bonne place dans le panthéon des illustres répliques de télévision à côté du fameux « Messieurs les censeurs, bonsoir » de Clavel. Le chantre du rugby a écrit pour la télévision une pièce de théâtre qu'Emmanuel Berle juge médiocre et qui l'amène à interpeller de façon visionnaire les dirigeants de la télévision sur l'idée étroite qu'ils se font du public alors que depuis 1964 se déploient les prémices de la télévision commerciale qui s'appuie sur les sondages et les conquêtes de parts d'audience. Comment faire une télévision populaire de qualité ? En décembre 1954, Berle notait déjà dans la NRF « La télévision est toujours justifiée, intéressante, sinon plaisante, dès lors qu'elle nous fait voir ce que sans elle nous ne verrions pas ». Il en est ainsi de l'œuvre de Max-Paul Fouché, au service des écrivains et de l'art au petit écran, passionné défricheur et vulgarisateur dans le bon sens du terme. Suivons le producteur poète sur ses sentiers à découvrir dans l'Invitation au savoir, le 5 juin 1967. Après tout, si nous entrions dans les pensées d'un promeneur solitaire, serions-nous rassurés? Celui-ci pourtant nous rassure, si respectable, un homme d'affaires peut-être ou quelque fonctionnaire, et qui regagne une demeure fondée sur de solides conventions. Mais, étant donné une porte, qu'y a-t-il derrière? Derrière celle-là, il y avait le monde de René Magritte, peintre. Laissez-vous conduire, même si ce monde n'est pas le vôtre au premier abord. Si vous passez avec nous la porte des habitudes, il se pourrait que vous vous retrouviez en pays de connaissance, de l'autre côté du miroir. Le Nouveau Candide, 28 août, 3 septembre 1967. La licence poétique a toujours permis en France des libertés que la prose ne souffre pas. Voltaire l'a poussée jusqu'à appeler chère Pompadourette, Madame de Pompadour. Il est vrai qu'il dut bientôt s'éloigner de Paris. N'était l'inconvenance, pour un chroniqueur chétif, de tutoyer des personnages aussi gros que le président ou le directeur général de l'ORTF, je leur dirais avec l'aide de Racine, appliquer sans relâche aux soins de me punir, au comble de l'ennui, tu m'as fait parvenir. Elle nous met dans un embarras consterné avec la pièce de Roger Couder qui tourne laborieusement autour d'un trou improbable dans lequel on devrait trouver un trésor, mais dont le mouvement circulaire passe par des réminiscences attendues d'Alphonse Daudet et de Pagnol. C'est très pénible, car les téléspectateurs aiment tous Roger Couder qui leur commente avec une chaleur passionnée les rencontres sportives les plus pathétiques. On se sent d'autant plus atterré que le précédent donne à craindre. Une tragédie de Léon Zitrone, un opéra de Guy Lux, une comédie en vers de Pierre Bellemare. Je comprends bien que le RTL voudrait plaire à ses spectateurs sans qu'il lui en coûtât trop cher. Elle a choisi Pierre Sabac pour Maître Jacques. À lui de se débrouiller. Il lui incombe de divertir au moindre frais ses convives. L'été est pour l'ORTF la saison des fourmis joyeuses. Et l'hiver, celle des cigales payées très cher, même si elles ne chantent pas toujours très juste, ni des airs très gais. Mais je crains aussi qu'elle ne se fasse du public une idée fausse. Elle croit que le public, c'est Guy Lux. Elle oublie que le public exprime une idée, heureusement, très confuse. De la vaste marmite qu'est le peuple, on tire des publics très divers. Dans le livre de poche, les volumes les plus achalandés sont, sauf erreur, Le Grand Môle d'Alain Fournier et La Peste de Camus. Puisque Madeleine Renaud est entrée dans le conseil de l'ORTF, ce qui nous donne à tous beaucoup de contentement et d'espoir, elle réussira peut-être à convaincre les princes de la télévision que si le succès des ouvrages les meilleurs n'est jamais certain, celui des ouvrages les plus médiocres et les plus vulgaires n'est pas non plus assuré. Emmanuel Berg. C'était Berl croque la télé, série de Meryl Moneghetti réalisée par Christine Robert, à la technique Bruno Gagnère et Pascal Baranzelli. Ces émissions ont été diffusées pour la première fois sur France Culture du 9 au 13 août 2010. À suivre.